en plein milieu du premier week-end du mois de juillet 2021. Il est 19h précise, l'actualité de ce 3 juillet au rendez-vous. Le journal avec Willy Sintayehoura. Niki Nezale de l'autre côté, vitré d'abord les grands titres. La récolte n'a pas été si bonne à Sororizo, sous Corine de Kanyocha, et l'administration à la base demande à la population de ne pas gaspiller le peu qu'il a. Appelle aux partenaires d'investir au Burundi, surtout dans les secteurs d'éducation et formation professionnelle. C'est un appel lancé par le ministère en charge des affaires aux étrangères, politiques et élections au sein du parti Frolina Boza Burundi. Et le parti CNL qui s'inquiète des arrestations en cascade et des emprisonnements arbitraires. L'actualité sportive est aussi au rendez-vous. Bienvenue. Bonsoir, débutons cette actualité par la page politique. Cécile Chimilimana a été réélue à la tête du parti Imbonerakure Burundi Frolina pour un mandat de 7 ans. C'était lors du congrès extraordinaire de ce samedi. Plus de détails avec Egidien Ndayisenga. C'est la proclamation des résultats après une courte période d'élection. Madame Cécile Nshimirimana a été reconduite à la présidence du parti Imbohoza Burundi, Frolina. Dans son discours de remerciement, en se basant sur les récentes attaques, elle a exhorté aux membres de son parti de dénoncer chaque fois les malfaiteurs qui perturbent l'ordre. Nous aimerions profiter de cette occasion pour dénoncer les malfaiteurs qui ont dernièrement tendu des embuscades sur la route Mulanza-Gitega, causant des dégâts humains et matériels. Je vous demande, chers membres du parti Frolina, de pointer du doigt à tous les malfaiteurs qui veulent nous empêcher à réaliser nos projets. Cécile Chimilimana invite le gouvernement à sanctionner sévèrement ses employés qui font des magouilles dans l'octroi des marchés publics. Nous demandons au gouvernement de sanctionner ses employés qui octroient illégalement les marchés publics parce que cela cause des malversations. Le mandat de l'équipe dirigeante du parti Imbohoza Burundi Frolina a passé de 4 ans à 7 ans. Merci Egidien Ndayisenga. Le ministère ayant chargé des affaires étrangères appelle aux partenaires d'investir au Burundi. Cela a été annoncé par le secrétaire permanent au sein de son ministère, Isidore Niyamheba, lors de la semaine diplomatique 6e édition 2021. Isidore Niyamheba indique que le secteur d'éducation et celui de la formation professionnelle sont privilégiés dans le plan national de développement 2018-2027. Isidore Niyamheba, secrétaire permanent au sein du ministère et en charge des affaires étrangères. Les priorités absolues ont été définies. Elles concernent la bonne gouvernance, la santé publique, le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, l'emploi des jeunes, la prise en charge des retraités ainsi que le rapatriement des réfugiés. À travers le plan national de développement, des actions d'envergure en faveur du développement sont poursuivis. En plus des secteurs prioritaires déjà cités, une attention particulière est portée au domaine de l'éducation et de la formation, notamment la formation professionnelle et l'enseignement des métiers, au domaine de la justice, de l'environnement, de l'énergie, des mines, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la diversification économique par le biais de nouveaux investissements dans la transformation des produits locaux. Le plan national de développement du Burundi 2018-2027 constitue donc un document de référence pour nos partenaires désirant accompagner le Burundi dans les différents domaines prioritaires. À cet égard, nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à tout partenaire qui serait désireux de soutenir le gouvernement et le peuple burundais dans son développement, de bien vouloir s'imprégner du contenu de ce plan. Isidore Niyamheba, le secrétaire permanent au sein du ministère en charge des affaires étrangères et le parti CNL condamne avec la dernière énergie, des attaques et embuscades qui ont été perpétrées en ces derniers jours, surtout sur les axes routiers en province de Mouramvia, apportant ainsi des vies. Dans un communiqué de presse sorti ce samedi, le parti SNL présente ses condoléances aux familles éprouvées. Toutefois, le parti SNL s'inquiète des arrestations en cascade et des emprisonnements arbitraires qui s'en suivent, semblent cibler les responsables et militants du parti SNL. À cet effet, le parti porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en ce moment, 27 membres de ce parti ont été arrêtés et croupissent dans différents cachots des commissariats provinciaux et les services de renseignement. En agriculture, la récolte des produits vivrières n'a pas été bonne en sous-colline et sur l'horizon de la commune Kanyosha en province de Bujumbura. Dan David Inde, chef de cette sous-colline, demande à la population de bien gérer le peu qu'elle a et demande aussi à l'État de leur donner des agronomes. Ces moniteurs agricoles dans cette localité, Venanio Mungele, s'est rendu sur les lieux. La récolte n'a pas été bonne sur le réseau de la commune Kanyosha en province de Bujumbura. Au moment où la population d'autres coins du pays se réjouissent de la récolte, Jean-David Inde, chef de la sous-colline sur le réseau, affirme que dans cette zone la récolte a été mauvaise et que les semences à mauvaise qualité sont à la base de cette mauvaise récolte. Ici à sur le réseau, vraiment on ne peut pas dire que la récolte a été bonne. Les semences ont été infectées. Parmi ces semences infectées, il figure le maïs. On n'a pas eu également la récolte des haricots comme auparavant, donc la récolte n'a pas été bonne. David Inde demande pas mal de choses à l'endroit de la population et à l'endroit du gouvernement. Nous lançons un appel à la population de ne pas dépenser inutilement cette récolte et qu'ils l'entretiennent. Nous leur demandons également qu'ils ne vendent pas cette récolte car il sera difficile de le racheter car elle sera à un prix élevé. Nous demandons aussi à l'État de rendre disponibles des agronomes et moniteurs agricoles pour la sensibilisation. Nous demandons aussi des semences sélectionnées pour ne pas manquer la récolte, alors que nous avons souffert pour le sel. C'est au moment où le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage a récemment fixé ce mercredi le 30 juin le prix de certains produits vivriers. Merci à Venanio Mungele de Kanyosha vers Nyakabiga, les propriétaires des maisons situées sur ou même avenue devraient s'organiser pour la mise en place et de l'éclairage public. À propos de Gervé Ndiokubga, chef de la zone Nyakabiga de la commune urbaine de Mukaza, c'est après l'exécution de son projet dans cette zone, surtout à la 17e avenue du quartier Nyakabiga 1. Ndiokubga signale que c'est pour le bien de la sécurité des habitants de ces lieux et surtout pour tout le pays en général. Gervé Ndiokubga, traduit en français par Nana Asman. Le projet d'éclairage public a été lancé par l'administrateur de la commune Mukaza. Maintenant, ce projet vient d'être relancé avec une autre forme. Ce n'est pas un don comme au début. Les habitants d'une seule avenue s'organisent désormais pour le faire. C'est après avoir constaté son importance et c'est pour leur volonté qu'on ne les force pas. Nous qui sommes chargés de l'administration accompagnons le projet pour bien cadrer leurs orientations se référant à la loi et nous les soutenons selon notre possibilité. Cela concerne les propriétaires des maisons et non les locataires, comme on l'a fait à la 17e avenue de Nyakabiga 1. Ce n'est pas si facile, mais en ce qui concerne la sécurité, la question de l'argent devrait avoir une importance minime, car la sécurité s'impose en premier lieu. Jusqu'aujourd'hui, je témoigne qu'il n'y a aucun défi en ce qui concerne l'éclairage public dans toute la zone de Nyakabiga. C'est vrai, une lampe a été volée au début du projet. Mais après avoir constaté ça, nous avons amélioré la technique d'implantation et jusqu'aujourd'hui, pas de vol. Nous lançons un appel vibrant aux propriétaires de maisons vivant sur la même avenue de se mettre ensemble et cotiser. utilisé de l'argent pour la mise en place de cet éclairage public, un projet qui est désormais dans les mains de la population elle-même. C'était Gervain Diokouga, le chef de la zone Nyakabiga, traduit en français par notre confrère Mnan Asman. Santé, à présent, la Croix-Rouge Burundi demande aux structures de soins qui cautionnent encore les victimes des accidents avant tout traitement d'abandonner cette pratique, et surtout pour ceux qui sont amenés par les agents de la Croix-Rouge. Etienne Ndikuriyo, le chargé de la communication au sein de la Croix-Rouge du Burundi, fait savoir que cette organisation n'a pas de caution à verser car elle ne procède qu'à l'évacuation des personnes en danger. Etienne Ndikuriyo. Quand une personne est victime d'un accident, victime de toute autre situation et que nous l'évacuons, d'abord nous lui administrons les premiers soins. Et si le cas n'est pas grave, avec ce que nous pouvons comme assistance, comme premier soin, il faut bien préciser que nous ne sommes pas des médecins. Si la situation est au-delà de ce que nous pouvons gérer en tant que secouristes, la victime est acheminée vers les structures de soins. Et nous voudrions, par cette occasion, demander à ces structures, pour autant que ça soit possible, d'accueillir ces victimes. Nous, en tant que Croix-Rouge, nous n'avons pas de caution à verser. Si telle ou telle autre structure voudrait une caution à partir de la Croix-Rouge du Burundi, on n'est pas en mesure de le faire. Nous, nous procédons à l'évacuation de la personne et on se limite là. L'avancement digital est l'une des menaces pour le marché du travail. Malgré cela, les jeunes Burundais ont une grande tendance à s'impliquer dans les emplois de bureau. Cela a été abordé lors d'une exposition de projet à l'Institut National Summit dans le cadre d'évaluer le niveau d'innovation des différents étudiants entrepreneurs Seif Iradukunda. À l'occasion d'une exposition de projet pour exercer le niveau d'innovation et créativité des élèves de l'Institut International Summit, le recteur de cet institut encourage la culture entrepreneuriale pour faire face au manque d'emploi qui demeure dans le marché du travail. Parmi les invités de cette expo, l'ex-directrice de la banque commerciale kenyane KCB en sigle, explique que certains jeunes Burundais ont tendance à dévier dans des emplois de bureau au lieu d'être plus créatifs afin d'entreprendre des projets. Elle ajoute que les jeunes Burundais devraient être plus innovants vu que certains emplois de bureau disparaîtront dans les années à venir dû à l'avancement digital, car même les transactions bancaires se font de nos jours par téléphone ou internet. Et la plupart des travaux manuels deviennent de plus en plus automatisés. Cette exposition a été organisée ce vendredi passé dans le but de mettre en pratique les enseignements appris en classe. Plusieurs étudiants ont fait part de leur projet d'avenir dans l'espoir de se procurer des opportunités d'emploi. Merci Seif Iradukunda. Sport à présent, le championnat national de handball est au quart de finale. Ce samedi, l'équipe de Rumuri de l'Université du Burundi s'est imposée contre l'équipe de la province Ruyigi au terrain de Sesinga, mairie de Bujumbura. Sur ce même terrain, l'équipe du lycée Rutovu a battu l'équipe APDEC de Nyakalalo en province Moaro sur un score de 28 contre 10 côté féminin. Côté masculin, l'équipe Brothers a battu sans difficulté l'équipe masculine du lycée Rutovu sur un score de 61 points contre 17 points. Le dernier match a opposé l'équipe du lycée Muyere en province Moaro et l'équipe Inwari en mairie de Bujumbura. Et le match s'est terminé sur un score de 57 contre 17 en faveur de l'équipe Inwari. La demi-finale de ce championnat national est attendue ce samedi prochain. Et hors de chez nous au football, l'équipe d'Espagne s'est qualifiée hier pour les demi-finales de la Coupe d'Euro 2021. Les Espagnols se sont qualifiés après victoire au tir au but. Une autre qualification est de l'Italie après avoir battu la Belgique 2 buts à 1. L'Espagne et l'Italie croiseront le fer en date du 6 juillet 2021. Les autres qualifications attendues sont entre la République tchèque qui est en train de se jouer avec le Danemark, l'Angleterre ou l'Ukraine. Un match qui se jouera à 21h et les gagnantes de ce soir territoire croiseront nos fers. Mais que dit le 7 juillet en Amérique, le Brésil a décroché un ticket pour les demi-finales de la Copa América. Après avoir battu la Chili 1-0, le Brésil a été rejoint par le Pérou, qui a décroché le ticket en éliminant le Paraguay au tir au but après égalisation 3-3 au temps réglementaire. Les autres équipes seront connues avant la fin de ce dimanche 4 juillet, sans trop tarder à l'international. Actualité internationale. Débutons l'actualité internationale par la République démocratique du Congo. D'un côté, le chef d'État Félix Tshisekedi refuse de se vacciner d'AstraZeneca, vaccin contre le coronavirus, mais de l'autre côté, il autorise le lancement de la vaccination pour le reste de la population congolaise. À l'Institut national de recherche et biomédicale INRB, on n'ose pas critiquer ouvertement la position du chef d'État, mais certains experts sous cap regrettent des positions du président qui mettent mal à la campagne de communication autour de la vaccination qui peine à décoller. Ces problèmes de communication interviennent au moment où les hôpitaux destinés à prendre en charge les malades de COVID-19 sont saturés, alors que le nombre de cas connus ne fait que grimper selon les autorités sanitaires, comme nous le trouvons sur le site de la Radio France Internationale. En Éthiopie, la situation s'est considérablement aggravée, comme le déclare Ramesh Rajasinghe, secrétaire général adjoint ad intérim aux affaires humanitaires de l'ONU, après la première réunion publique de ce vendredi 2 juillet du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Tigré. Depuis le déclenchement du conflit, l'ONU dénonce plus de 400 000 personnes ayant franchi le seuil de la famine au Tigré, région du nord de l'Éthiopie, et 1 800 000 personnes supplémentaires au bord de la famine et 33 000 enfants souffrant de malnutrition sévère. La Russie et la Chine, le Kenya, le Nigeria et la Tunisie s'opposent aux discussions formelles sur le Tigré organisées par le Conseil de sécurité de l'ONU, car, précise-t-il, le conflit n'est que d'une affaire interne à l'Éthiopie. Notons que l'ancien pouvoir du TPLF, le Front de Libération du Peuple Tigré, transformé en groupe rebelle au pouvoir fédéral d'Addis Abeba et aidé par l'armée érythréenne et des milices d'Éthiopie, a débuté une guerre sanglante au mois de novembre l'année dernière et au moins 168 incendies en Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada, dont une dizaine jugés préoccupants, voire hors de contrôle par les autorités. La plupart de ces feux sont localisés dans le sud de la Colombie-Britannique. Plus de 1000 personnes ont déjà dû quitter leur domicile dès ce jeudi, mais les résidents de cette province sont en particulier invités à suivre attentivement les directives des autorités qui pourraient procéder à de nouvelles évacuations, car de nouveaux départs de feu sont entendus ce week-end de 19h20. Nous voilà à destination de ce journal. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci à Niki Neza pour sa parfaite collaboration technique. Merci pour votre fidélité. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayeboula. Bonne soirée et surtout bonne suite de programme.